Samuel Eto, Emmanuel Adebayor, Mohamed Dia, Magloire Agbalen. Blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement? Lounge, jazz, ambiant ou trance? Que ce soit pour vos parties de bureau, 5 à 7 corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Betzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, studiostereo.com. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 9 février, les Patriotes hockey affrontent Concordia au Colisée de Trois-Rivières à 19h. Vendredi 11 février, les Patriotes hockey affrontent Carleton au Colisée de Trois-Rivières à 19h. Samedi 12 février, les Patriotes hockey affrontent Ottawa au Colisée de Trois-Rivières à 14h. Dimanche 13 février, les Patriotes soccer affrontent Laval au Centre Alphonse-Desjardins. Féminin 14h, masculin 16h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriote. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée sonorisation, mes shows sonnent comme ça. Vous voulez organiser un spectacle ou un événement de tout genre, intérieur ou extérieur? Événements corporatifs, congrès, conférences, concerts, spectacles, théâtre, défilés de mode. L'Odyssée Sonorisation fait la location de l'équipement pour le son, l'éclairage, l'audio-vidéo et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée Sonorisation. 971 rue Néry-Duplessis à Trois-Rivières. C'est fou. 89. 1-1. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à C'est fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Bienvenue à Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Véronique Bazinet, votre co-animatrice avec Jessica Boulanger et Cathy Bordelot pour la session hivernale 2011. Mais aujourd'hui, j'ai le bonheur de co-animer cette émission avec ma collègue Annie Brousseau-Arcan, également étudiante au programme en pratique sage-femme en première année. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission reflètent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Il ne reflète aucunement l'opinion des sages-femmes. Ce matin, je suis particulièrement enthousiasmée par le sujet de notre émission, car on parle d'actualité et de la présence des sages-femmes et des étudiantes sages-femmes dans les médias au cours des dernières semaines. Justement, on entendait parler du terme « crise aiguë en gynécologie » pour reprendre le titre de l'article de Louise-Marie Rioux, souci qui était paru dans Le Devoir du 14 janvier 2011. Ben, en effet, probablement que plusieurs d'entre vous ont entendu parler, soit à la radio ou lu dans les journaux, que les étudiantes sages-femmes ont fait, se sont beaucoup manifestées dans les médias durant les deux dernières semaines, et avec raison, parce que le développement des maisons de naissance est un processus très lent et aussi se fait attendre. Et plusieurs finissantes, en fait, toutes les finissantes du programme en pratique sage-femme sont inquiètes par leur perspective d'emploi à court terme. Elles ont donc pris les choses en main et nous allons en discuter en ondes ce matin. Donc, au menu de l'émission aujourd'hui, on va faire un petit tour de la question avec vous en commençant par la présentation de notre toute nouvelle association étudiante des sages-femmes. Ensuite, la formation justement de l'association étudiante a été vraiment un élément déclencheur important dans toute cette belle mobilisation. Ensuite, on accueillera la secrétaire de l'AESFQ pour nous parler de la toute récente création de l'asso étudiante. Pour poursuivre dans le cadre du sujet, on vous présentera une revue d'actualité suite à la lettre ouverte envoyée au ministre de la Santé Yves Bolduc. En deuxième partie de l'émission, on aura la chance de s'entretenir avec Karine Langlois, finissant au bac en pratique sage-femme et qui va nous parler de la situation vécue par les finissantes de cette année quant aux perspectives d'emploi puis aux conditions de placement. On a, par la même occasion, Mme Langlois pourra nous éclairer un peu sur l'évolution de divers projets de maisons de naissance, qui sont en cours. Pour mettre un peu d'exotisme à notre émission, on vous présentera également une petite capsule sur l'actualité internationale dans le monde des sages-femmes. Je cède maintenant le micro à ma co-animatrice, Annie Brousseau-Arcan. Bonjour Annie. Oui, bonjour Véro. Alors, les étudiantes en pratique sage-femme ont maintenant leur propre association étudiante qu'on appelle l'Association des étudiantes sage-femmes du Québec. Et j'ai avec moi en studio Véronique Bézinet, elle-même secrétaire, et vous l'aurez deviné, qui est aussi l'animatrice de l'émission Connaître, qui vient en fait nous glisser un mot sur la formation de l'AESFQ. Allô Véro! Bonjour Annie, oui c'est un 2-en-1 ce matin. Alors, je suis venue vous présenter brièvement l'AESFQ. Comme tu l'as dit, l'Association des étudiantes sages-femmes du Québec, qui a été créée en janvier dernier lors d'une assemblée générale, en fait la première assemblée générale pour créer l'Association des étudiantes sages-femmes du Québec. Il faut rappeler que la formation en pratique sage-femme est dispensée depuis un peu plus de 10 ans ici à l'UQTR. Ça faisait plusieurs années que les étudiantes voyaient vraiment le besoin de constituer une association étudiante. Mais la difficulté de créer cette association étudiante résidait beaucoup dans le fait que les étudiantes sont en stage un peu partout au Québec, sont séparées pendant le 2/3 de leur formation. Donc, cet automne, il y a plusieurs étudiantes de 3e année qui étaient sur le campus à ce moment-là et d'autres filles aussi qui ont participé, qui ont pris le taureau par les cornes, qui se sont mis à l'écriture d'une charte. Puis c'est vraiment un travail colossal. Donc, suite à ça, avec une charte, on a pu entériner tout ça en association et en assemblée générale, et créer la première association étudiante des sages-femmes du Québec. Donc, le rôle de l'association étudiante, c'est vraiment de promouvoir, organiser, représenter et défendre les droits et les intérêts matériels et moraux des personnes sans aucune discrimination. Donc, le but de l'association, c'est vraiment de faire la promotion et la défense collective et individuelle des intérêts. Et cela, ça s'opère par une organisation démocratique, bien évidemment, par la promotion, le développement et la protection, par la formation, l'éducation, l'information, la conscientisation et la mobilisation. D'ailleurs, on va y revenir. Aussi, par la création d'un espace de solidarité entre les étudiants. Donc, aussi, je pense que ça va créer vraiment un réseautage encore plus fort entre les étudiantes puisque, comme je l'ai mentionné, on est vraiment éparpillés sur le territoire pendant 4 années. Donc ça, je pense que ça va vraiment créer, faciliter les communications, les échanges et les revendications entre nous. Donc je vais vous présenter brièvement un peu tous les membres qui constituent l'association étudiante. Tout d'abord, il y a Mylène Picard qui est étudiante en 3e année qui assume le rôle de présidente. La présidente, c'est la porte-parole officielle de l'association. Finalement, elle voit à l'exécution des différentes décisions qui ont été prises par le conseil exécutif. C'est ça, en fait, quand je vous dis les membres de l'association, en fait, toutes les étudiantes sont membres, mais en fait, je vous présente davantage les membres du conseil exécutif. Donc, il y a aussi Marie-Josée Lewis, qui est responsable aux affaires externes, qui s'occupe des relations avec toutes les personnes et organismes avec laquelle l'association étudiante a des liens en dehors de l'université, comme l'Ordre des sages-femmes du Québec, le RSFQ, le RNR, et ainsi de suite. Ensuite, il y a Sophie Beaudoin-Dion. Marie-Josée Lewis et Sophie Beaudoin-Dion également sont étudiantes en 3e année. Sophie Beaudoin-Dion est responsable aux affaires internes. Donc, elle s'occupe des relations avec les membres ainsi qu'avec l'administration de l'UQTR. Il y a Geneviève Demers qui est également étudiante en 3e année, qui est responsable des finances. Donc, elle voit à ce que toutes les transactions courantes de l'association et c'est la grande Manitou des finances. Ensuite, Véronique Bazinet, moi-même, qui assumera le rôle de secrétaire et aussi représentante des premières années. Donc, je m'évertuerai par la rédaction de procès-verbaux et autres trucs du genre. Il y a Michel Ouellette qui est délégué de quatrième année. En fait, c'est ça, on voulait vraiment assurer qu'au conseil exécutif allait siéger vraiment une personne pour représenter chaque année, chaque cohorte. Donc, Michel Ouellette est délégué de quatrième année, Marie-Hélène Malo est déléguée de deuxième année et Roxane Bolduc déléguée pour le cheminement particulier. Donc, les délégués de cohorte sont responsables de défendre les intérêts des étudiantes de leur cohorte respective, d'amener les différents enjeux, particularités par rapport à l'année de cheminement en cours. Donc, voilà. Il y a deux comités qui ont été créés dès justement la création de l'association parce qu'il y avait vraiment un besoin qui se faisait sentir. Il y avait le comité de mobilisation, puis le comité pour la rémunération de l'internat, donc le dernier stage en maison de naissance. Les étudiantes du comité de mobilisation ont été très actives. Et on va en entendre parler durant la suite de l'émission. Oui, effectivement. Mais merci, Véronique. Fait que, suite à la création du comité de mobilisation, comme tu viens d'en parler, de l'association, en fait, les étudiantes n'ont pas chômé. Deux semaines plus tard, elles envoyaient une lettre, une longue lettre, en fait, très explicative, au ministre de la Santé, M. Yves Bolduc, pour faire part de leur inquiétude et surtout, disons, du mécontentement sur la situation qu'elles vivent et appréhendent en matière de travail et de placement. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture, nous faire part de cette lettre-là qui a été envoyée aux médias? Oui, effectivement. Je prends ma belle voix et je lis. Monsieur Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux. En juin 2011, une vingtaine d'étudiantes en pratique sage-femme obtiendront leur diplôme de l'Université du Québec à Trois-Rivières et pourront pratiquer au Québec. Parce que de nouvelles maisons de naissance n'ont pas encore été créées, ces futures sages-femmes qui sont compétentes, énergiques et passionnées n'ont aucune possibilité d'emploi. Dans le contexte actuel de périnatalité québécoise, nous trouvons cette situation inacceptable. La situation est alarmante. Les femmes enceintes ont beaucoup de difficultés à trouver un professionnel de la santé pour assurer leur suivi périnatal. Alors que vous déplorez le manque d'omnipraticiens et d'obstétriciens gynécologues, les sages-femmes bachelières gradueront et ne pourront pas travailler. En d'autres mots, la main-d'œuvre est là, mais elle chôme contre son gré et contre celui des familles. Que s'est-il passé en 3 ans entre l'annonce du ministère de la Santé de former plus de sages-femmes et la situation actuelle des sages-femmes chômeuses? La situation est pourtant évidente, il faut ouvrir des maisons de naissance. Leur développement continue d'être lent, et ce, malgré la volonté que vous aviez manifestée dans la politique de périnatalité 2008-2018. Cette politique avait promis à la population québécoise que 10% des accouchements se feraient avec des sages-femmes et que 13 nouvelles maisons de naissance seraient ouvertes d'ici 10 ans. Pourtant, nous n'accompagnons actuellement que 2% des femmes enceintes québécoises et seulement 2 nouvelles maisons de naissance et 1 point de service sage-femme ont été ouverts depuis 3 ans. Face à la situation actuelle de périnatalité québécoise, ne voyez-vous pas là un réel problème? Le gouvernement réalise-t-il qu'il est en train de payer pour former une nouvelle génération de sages-femmes sans emploi? Devront-elles aller pratiquer dans une autre province canadienne? Le ministre de la Santé se dit en accord avec le développement des maisons de naissance, mais il demande que les projets proviennent de la collectivité. On pouvait lire dans Le Devoir du 19 janvier dernier, « Le ministre Bolduc rappelle la nécessité d'une impulsion citoyenne. Le ministre est prêt à faire son bout de chemin, mais cela doit aussi venir de la communauté. » Son attaché de presse a rappelé, « Le bout de chemin citoyen est pavé depuis longtemps. » Non, pardon, en fait, ça, c'est le comité de mobilisation qui rappelle que le bout de chemin citoyen est pavé depuis longtemps. Des comités citoyens de Beauce, de Saguenay, de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Montréal, entre autres Pointe-Saint-Charles et Rosemont, de Sept-Îles, de Baie-des-Chaleurs, de Laval, de Lanaudière, de la Montérégie et de Mont-Laurier revendiquent une maison de naissance. Des projets sont déjà montés, pensés, écrits et déposés dans plusieurs régions du Québec. Pourtant, rien ne bouge, ou sinon très lentement. Lorsqu'une chargée de projet a le mandat de développer une maison de naissance dans une région donnée, elle se heurte plus souvent qu'autrement à des résistances médicales, corporatives et bureaucratiques. Les projets n'obtiennent pas le soutien de leurs agences, de leurs C3S et des médecins. Alors que notre modèle sage-femme est envié dans plusieurs pays à travers le monde, qu'il a fait ses preuves en ce qui concerne la sécurité, l'efficience, la qualité des soins et la satisfaction des femmes et leurs familles, les résistances au développement perdurent. Comment le ministre peut-il se dire ouvert à de nouvelles maisons de naissance alors que ces mêmes projets sont bloqués par des structures administratives? Devrait-on parler d'un manque de volonté politique? On peut se demander si le développement lent des maisons de naissance ne cache pas plutôt une autre volonté politique, intégrer les sages-femmes dans les milieux hospitaliers. Ce choix irait bien sûr à l'encontre des femmes et de la philosophie des sages-femmes. Ces dernières croient à l'importance d'offrir le choix du lieu de naissance, qu'il s'agisse du domicile, de la maison de naissance et, ne l'oublions pas, de l'hôpital. La maison de naissance demeure toutefois la structure principale de la pratique sage-femme québécoise. Il s'agit d'un milieu de vie qui a été créé pour engendrer des relations égalitaires et une continuité des soins avec les parents, d'un endroit au sein duquel ceux-ci se sentent à l'aise et capables d'être les agents de leur santé. Cette structure est aussi le lieu de travail principal des sages-femmes, tant pour le suivi pré- et post-nataux que pour la surveillance et la gestion des accouchements, dont la majorité, on doit le dire, ont lieu en maison de naissance. Ce modèle est unique et doit être maintenu définitivement. Monsieur le ministre, nous vous demandons de nous faire part de votre stratégie ministérielle pour briser les résistances médicales et bureaucratiques, pour mettre à mal les préjugés qui persistent à l'égard des sages-femmes et pour pallier les budgets soi-disant manquants au développement des maisons de naissance. Fortes de leur formation, de leur expérience et de leur passion, les étudiantes sages-femmes québécoises n'espèrent qu'une chose, travailler au service des femmes et des familles. Le temps presse, Monsieur le ministre. Qu'attendez-vous pour nous donner votre aide et orchestrer une fois pour toutes un plan de mise en œuvre concret en accord avec le modèle de pratique sage-femme québécois? Pouvons-nous avoir l'assurance de travailler comme sage-femme au Québec? Nous espérons une réponse à ces questions et surtout des actions de votre part. Et c'est signé l'Association des étudiantes sage-femmes du Québec. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver cette lettre sur le site de Cyberpresse qui s'intitule « Toute une cohorte de sages-femmes sans emploi ». Mais nous allons aussi mettre le lien de la lettre sur notre page Facebook de l'émission Connaître. Merci beaucoup, Annie. Comment rester de glace en entendant cette lettre rédigée avec autant de conviction et de motivation par les étudiantes du comité de mobilisation? Monsieur le ministre, entendez-vous cela? J'espère que les oreilles vous tuilent actuellement. Justement, allons voir ce qu'en pense Monsieur le ministre Bolduc. Les étudiantes ont attendu sa réponse avec beaucoup d'impatience. Et voici ce qu'elles ont eu comme réponse. Et je cite le ministre Bolduc. On veut plus de maisons de naissance, on veut plus de sages-femmes et on encourage les régions à se mobiliser pour présenter des projets concrets. Eh bien, n'a-t-il pas vu que les projets déposés sur son bureau s'accumulent? C'est une bonne question. Et que c'est peut-être le financement au C3S qui tarde à venir, qui freine l'ouverture des maisons de naissance et certainement pas le manque de projets, mais enfin. Par ailleurs, on lisait dans un communiqué de presse de l'Assemblée nationale, émis par Mme Agnès Maltais le 28 janvier dernier, députée de Taschereau et porte-parole de l'opposition en matière de santé. Justement, Mme Maltais pressait le ministre d'accélérer l'ouverture des maisons de naissance, non seulement pour accroître l'accès aux femmes qui souhaitent y accoucher, mais aussi pour assurer la pérennité de la profession sage-femme au Québec. Merci, Mme Maltais. Alors, on va se quitter le temps d'une pause et sur une chanson de Arthur Ashe, le chercheur d'or, tiré de l'album Adieu Tristesse. Puis, nous continuerons de parler de la situation définissante sage-femme dans un instant avec Karine Langlois. Donc, restez à l'écoute. Vous êtes sur C'est fou, 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. San Francisco, 3 mai 1860, dans le gène. Cher Marie, ne t'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe, mais il me reste bien l'autre. Oh Marie, si tu savais, j'ai creusé le roc comme maman nue, entourée de misérables, de Polonais et aussi quelques Français. Oh Marie, nous autres les errants, les chercheurs d'or, si nous ne vivons que par elle, la montagne nous dévore. Tout est bon, ici ça va, je suis vivant. Ici c'est bon, je suis sauvé. Ici ça va, je suis vivant. Ici c'est chaud, ici c'est bon. Ici ça va. Le tonnerre de la dynamite, des blocs de roche s'affaissent et dévalent le long des ravines. Oh Marie, à chaque seconde, l'avalanche me désire et me frôle. Ce matin-là, elle me prodigue ses plus douces caresses. Heureusement, elle m'enlace, je suis son amant. Tout est bon, ici ça va, je suis vivant. Ici c'est chaud, je suis sauvé. Ici ça va, je suis vivant. Ici c'est bon, ici ça va. Il y a ce petit sac en cuir noir. Oh Marie, ce qui illumine mes mains, c'est de la poussière d'or. Regarde comme je brille, regarde comme nous sommes riches. Et sens sur ton visage ce vent qui te lave et qui gonfle les voiles de ce vaisseau qui quitte la rive. Oh Marie, adieu la mort, adieu l'Amérique. Tout est bon, ici ça va, je suis vivant. Ici c'est bon, je suis sauvé. Ici ça va, je suis vivant. Ici c'est bon, tout est bon. Ici ça va, je suis sauvé. Ici c'est chaud, je suis vivant. Ici c'est bon, je suis sauvé. Ici ça va, ici c'est bon. Ici c'est chaud, ici c'est bon. Je suis sauvé. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le dîner de cons sur Cifou 89. Dans le cul, OM, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. Entre le 14 et le 18 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte virtuelle sur soyonscompères.com. Vous êtes étudiant en génie? La Banque Nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque Nationale, votre partenaire durant vos études. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Bonjour, vous êtes de retour à C'est fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières, à l'émission Connaître ensemble. Donc, aujourd'hui, au menu de l'émission, on parle d'actualité sur les sages-femmes. Celles qui ont écouté et ceux qui ont écouté la première partie de l'émission, on a discuté de l'actualité des étudiantes en pratique sage-femme. Donc, on a entendu beaucoup parler dans les médias dernièrement, surtout les deux dernières semaines, de la réalité des finissantes, donc en pratique sage-femme du Québec, qui sont formées à l'UQTR. Dû à un petit problème technique, on va passer notre chronique sur l'actualité internationale, en fait, notre capsule. Donc, il se passe beaucoup de choses au Québec, mais allons voir du côté de l'international. Bref, on va aller voir ce que nos consoeurs sages-femmes vivent sur le globe ailleurs et les activités qui s'organisent un peu partout. Donc, tout d'abord, du 19 au 23 juin 2011, aura lieu le 29e congrès de l'ICM, le International Confederation of Midwives. Cette année, ce congrès aura lieu à Durban, en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'il a lieu dans un pays d'Afrique subsaharienne. Donc, ça va être un grand événement. Ce sera l'occasion rêvée de mettre en lumière l'important travail des sages-femmes en Afrique et partout dans le monde. Le congrès, dis-je, aura lieu dans l'une des régions du monde où les taux de mortalité et morbidité maternelle et infantile sont les plus élevés. Étant donné qu'il ne reste plus que 5 ans avant pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement qui avait été mis par l'OMS et améliorer la santé maternelle et infantile dans le monde, le moment est venu de mettre en évidence le rôle central que jouent les sages-femmes pour atteindre ces objectifs. Donc, en prévision du congrès, une invitation mondiale a été lancée. Ça va s'appeler la Marche de Durban, la Marche des sages-femmes pour les femmes du monde. Bridget Lynch, la dynamique et tant appréciée présidente de l'ICM, qui est une sage-femme ontarienne, a invité tout le monde à se joindre à cette marche internationale qui aura lieu en 2 volets. Donc, premier volet, le 5 mai, qui est la Journée internationale de la sage-femme. Pour cette occasion-là, il y aura des marches de 5 km qui seront organisées un peu partout dans le monde. Cette marche sera un événement mondial. Il montrera bien la solidarité qui existe entre les peuples du monde. Elles permettront aux sages-femmes du monde entier de plaider en faveur de l'amélioration de la santé maternelle et infantile dans nos communautés et nos pays. Elles permettront aussi de plaider en faveur des femmes qui vivent dans des pays lointains. Ensemble, ce sera des milliers de kilomètres que nous parcourrons autour du globe. Et nous proclamerons notre engagement à améliorer les soins maternels et néonataux pour toutes les femmes et les nouveau-nés où qu'ils se trouvent. 6 semaines après cette marche, pour l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme, soit le 5 mai, ce sera le 2e volet du chemin de Durban qui s'enclenchera. En fait, la veille du début du congrès, des milliers de personnes se rassembleront pour marcher un autre 5 km pour se rendre à Durban, lieu des activités. Des sages-femmes du monde entier y seront et célébreront ainsi leur engagement à améliorer la santé maternelle et néonatale dans le monde. tout le monde a été invité à marcher aux côtés des sages-femmes. Donc, autant leur famille, leur entourage, la population locale, tout le monde est invité à se joindre à cette marche. Des sages-femmes de partout dans le monde vont se côtoyer en marchant avec solidarité pour souligner la nécessité de renforcer la pratique sage-femme sur tout le continent africain. En effet, une plus grande présence des sages-femmes bien formées aiderait beaucoup à améliorer la santé maternelle et néonatale, et ce, partout dans le monde. Souvent, les sages-femmes sont déjà reconnues par leur communauté et elles jouent un rôle social très important. Elles sont donc un vecteur primordial pour la promotion et le maintien de la santé des populations locales. L'OMS, le FNUAP, l'UNICEF et la Banque mondiale ont d'ailleurs déclaré que le monde a besoin de plus de sages-femmes. Alors, j'espère que le ministre Bolduc est à l'écoute. C'est une invitation à tous et à toutes, notamment à la population québécoise, d'organiser la marche de Durban le 5 mai 2011 dans leur communauté en signe de solidarité. C'est aussi un moment privilégié pour faire rayonner la pratique sage-femme. Alors, sage-femme, étudiante sage-femme, citoyenne et citoyen, tenez-vous au courant, mettez-vous en forme et entrez dans la marche. Toujours à l'international, une autre initiative est en cours afin d'améliorer la santé maternelle et infantile dans les pays en voie de développement. Présentement, un rapport sur l'état de la pratique sage-femme dans le monde est en cours de production. C'est vraiment le premier dans son genre. Le rapport a pour objectif de renforcer la pratique des sages-femmes à travers le monde. Il contiendra de nouvelles informations et données recueillies auprès de 60 pays dans toutes les régions du monde. Ce rapport permettra d'évaluer le nombre et la répartition des sages-femmes et d'autres professionnels compétents dans la pratique sage-femme, d'analyser les nouvelles problématiques liées à la formation, au cadre réglementaire et politique et aux associations professionnelles et à l'aide extérieure, d'examiner les problèmes d'ordre général auxquels sont confrontés les professionnels de la santé compétents de la pratique sage-femme, dont la plupart sont des femmes, et d'identifier les obstacles et les défis qu'ils rencontrent aussi bien dans leur vie quotidienne qu'au travail. Ensuite, il s'agira aussi de stimuler les investissements en vue de garantir un accès équitable aux services de pratique de sage-femme et de développer les capacités des prestataires respectifs. Ainsi, c'est en vue d'un objectif concret et important que sera publié le rapport. Il permettra à tous de mieux analyser la situation dans plusieurs pays du monde, et cela dans le but de développer de la meilleure façon possible la pratique sage-femme, qui est une clé, en fait, de la santé maternelle et infantile. Et c'est lors du Congrès international des sages-femmes en juin 2011 que sera dévoilé le rapport. Et on espère que cette entreprise d'envergure sera utile. Oui, alors on va continuer en se rendant en Asie, en se tournant du côté du Laos plus précisément. En fait, le 10 décembre 2010, une première cohorte de 140 étudiantes ont terminé leurs études en pratique sage-femme. Depuis 22 ans, il n'y avait pas de formation officielle pour devenir sage-femme dans ce pays de l'Asie du Sud-Est. Donc au Laos, selon les statistiques, il y a environ 405 femmes qui mouraient pour chaque 100 000 naissances vivantes en 2005, ce qui est énorme. Selon l'ONU, 72% de ces morts pouvaient être évitées et pourront être évitées. L'un des problèmes majeurs, c'est que 9 femmes sur 10 accouchent à la maison sans nécessairement être accompagnées par des professionnels de la santé qui sont formés. Ça, c'est selon les données du gouvernement laotien. C'est donc avec un grand espoir que le pays verra à chaque année des diplômés en pratique sage-femme qui pourront jouer un rôle primordial au sein des familles laotiennes. Selon un député du ministère de la Santé du Laos, cette formation n'est qu'une partie de l'équation. Il faut continuer la formation de nouvelles sages-femmes, mais il faut aussi améliorer les structures du système de santé pour accueillir ces nouvelles professionnelles. Selon lui, l'un des majeurs problèmes au développement est le manque de matériel de base pour une pratique sécuritaire. Nous espérons donc que le Laos continuera ses efforts en vue d'une meilleure santé des femmes et des enfants, et nous envoyons nos meilleures pensées à ces nouvelles sages-femmes diplômées qui jouent un rôle primordial. Alors, on se déplace encore un peu à travers le globe, mais on revient un peu par ici, en Amérique. On sait que il y a maintenant un an, Haïti a durement été frappé par plusieurs catastrophes. Le 12 janvier 2011, la ministre canadienne de la coopération internationale, Bev Oda, a annoncé une aide d'une valeur de plus de 90 millions de dollars à Haïti. Les projets incluent notamment la reconstruction de l'École nationale de pratique sage-femme, en plus de 10 cliniques de maternité à travers le pays. Et cela dans le but, évidemment, d'offrir des soins de base, entre autres pour les mères, les nouveau-nés et les enfants de moins de 5 ans. Même s'il se passe encore beaucoup d'autres choses à l'international en lien avec la pratique sage-femme. C'était tout pour notre chronique d'actualité internationale aujourd'hui, mais pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de l'ICM, International Confederation of Midwives, ou la CSF, l'Association canadienne des sages-femmes. Merci infiniment, Annie. Donc, on va aller à une petite pièce musicale, une chanson qui se nomme André de San Severino sur l'album Le Tango des gens, et on vous revient ensuite avec notre entrevue téléphonique. André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée. Merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un. Il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein. Sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'il doit recevoir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça, ni avec ça. On devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Ça va me servir à quoi si je me change pas? Et puis il enlève son caouet, il est déjà un peu moins laid. De retour en studio sur les ondes de C'est fou 89.1, nous avons la chance d'avoir en ligne pour l'émission Connaître Ensemble une étudiante sage-femme qui graduera dans quelques mois. Donc, mère de deux enfants, elle est en train de compléter son internat à la Maison de naissance Côte-des-Neiges à Montréal. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour, Véronique. Ça va bien? Oui, merci. Oui, vous êtes l'une des auteurs avec Marie-Josée Louise de la fameuse lettre qu'on a lue précédemment dans l'entrevue, qui est sortie dans les journaux il y a 2 semaines. Vous faites aussi partie du comité de mobilisation de la SFQ, en plus de vous impliquer dans le développement d'une maison de naissance dans la Naudière, et bien sûr de compléter votre internat, une femme orchestre, quoi. C'est tout un horaire. Oui, on a effleuré un peu le sujet du comité de mobilisation, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. En fait, le comité de mobilisation est composé d'étudiantes sages-femmes et a pour objectif de poser des actions concrètes pour faire avancer le développement des maisons de naissance au Québec. Donc, comme on le sait, ce dossier-là est un dossier qui est en cours, qui fait partie des objectifs ministériels pour le développement des services périnataux, mais qui se développe vraiment à pas de tortue. Donc, ce qui fait que, présentement, les sages-femmes finissantes qui obtiennent leur diplôme ont de moins en moins de perspectives d'emploi. Donc, notre comité, en fait, s'est donné comme mission de faire connaître cette situation-là définissante, que l'on trouve aberrante, en fait, parce que, étant donné la situation actuelle de pénurie de main-d'œuvre dans les services obstétriques, et aussi, dans un but ultime, ce qu'on souhaite, c'est qu'en rendant publique cette réalité-là, le ministre de la Santé, M. Yves Bolduc, va mettre en place des actions concrètes pour la mise en œuvre des développements, du développement des maisons de naissance, comme il nous a promis dans sa dernière politique de périnatalité 2008-2018. Donc, ce qui ferait en sorte que lorsque les sages-femmes obtiennent leur diplôme après les 4 ans et demi d'université, elles puissent enfin travailler et participer aussi activement, dans le fond, à solutionner une partie des problèmes de l'offre de services en obstétrique. Justement, les inquiétudes définissantes face aux perspectives d'emploi, quelles sont-elles? Bien, actuellement, en mai prochain, il y a une quinzaine d'étudiantes sages-femmes du programme de l'UQTR et quelques sages-femmes aussi du programme d'appoint, ce qui fait environ une vingtaine de sages-femmes qui vont terminer. Et là, présentement, en ce moment, au mois de février 2010, on n'a aucune perspective d'emploi. Donc, je dirais que les inquiétudes sont vraiment là. Les chanceuses qui vont travailler auront peut-être des remplacements, mais actuellement, il faut vraiment être prête à bouger, à changer de région, parce que dans certaines régions, il n'y a effectivement aucune opportunité là, pour ces finissantes-là. J'imagine que ça a des répercussions majeures sur la logistique au niveau de la vie personnelle des finissantes, surtout avec l'ampleur des études et les dettes qui vont avec. Oui, ben c'est sûr, oui, effectivement. En fait, ce bac-là est un bac très exigeant, tant au niveau personnel que familial. C'est aussi un bac qui est coûteux. Donc, on sort de là souvent avec un niveau d'endettement assez considérable. Certaines étudiantes ont même hypothéqué leur maison. Donc, c'est certain que quand on réalise à quelques mois de finir qu'on travaillera peut-être pas, c'est pas super rassurant. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut quand même garder espoir puis continuer de regarder vers l'avenir. Puis c'est pour ça que le comité a été mis sur pied. Puis il faut pas oublier qu'il y a quand même une volonté politique à développer les maisons de naissance. Donc, on peut, je pense, croire que la situation actuelle est temporaire et qu'elle va se régler prochainement. Du moins, j'espère. Oui. La situation de nos voisines ontariennes est quand même différente par rapport à la nôtre ici, à la situation des sages-femmes et des étudiantes sages-femmes du Québec. Ce sont quoi les différences majeures? En Ontario, les sages-femmes sont beaucoup plus nombreuses qu'ici, premièrement. Depuis la légalisation de la pratique sage-femme là-bas, c'est fait en fait en 98, donc un an plus tôt qu'ici au Québec, les sages-femmes se sont beaucoup plus multipliées qu'ici. Si on compare au niveau des chiffres, là-bas, elles sont actuellement 530 à exercer. Et ici au Québec, il y a environ 130 sages-femmes. Donc à peu près sur une même période de temps, elles se sont multipliées à une vitesse vraiment plus grande qu'au Québec. Et donc ce qui fait, c'est qu'elles font partie actuellement de l'offre de services périnatales de la première ligne pour les femmes ontariennes et elles assurent une grande partie, en fait une plus grande partie de l'offre de services périnatales si on compare à ce qui se passe ici au Québec pour les sages-femmes. Oui, puis il faut rappeler qu'en Ontario, il y a 3 universités qui forment des sages-femmes à chaque année, contrairement ici au Québec où il y a l'UQTR. Oui. Selon toi, est-ce que tu penses que, justement, si on regarde le nombre disproportionné entre le nombre des sages-femmes en Ontario versus au Québec, tu nous as un peu dit ton opinion par rapport au manque de volonté politique ici, mais selon toi, toi, tu penses qu'il y a une volonté politique pour l'ouverture des maisons de naissance? Oui, bien, comme je disais, je pense qu'il y a quand même une volonté politique ici au Québec, mais si on remonte il y a un peu plus de 10 ans en Ontario, quand il y a eu la légalisation qui s'est faite là-bas, le gouvernement ontarien vraiment avait à ce moment-là une volonté tangible de mettre en œuvre des services sages-femmes dans la province et il a injecté plusieurs millions de dollars pour le développement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est rendu là-bas. Ici, ça a pris plus de temps. Il y a eu les projets pilotes. Ensuite, bon, là, il y a eu la légalisation, le début du bac à l'UQTR. Et disons qu'on est sur un processus un peu plus lent, plus différent. Il faut dire aussi qu'ici, au Québec, c'est quand même différent. Les services sages-femmes, on travaille dans des maisons de naissance. Là-bas, les sages-femmes travaillent à l'hôpital. De développer des maisons de naissance, je pense qu'il faut être consciente que c'est un processus qui est peut-être plus long, mais je pense que éventuellement il y a une volonté politique à le faire, mais comme je disais au début, le pourquoi du comité de mobilisation s'est créé, c'est qu'on trouve que le ministre met trop de temps à mettre en œuvre des actions concrètes pour faire que ce développement-là a lieu ici au Québec. Quand il a sorti sa politique de périnatalité en 2008, il nous promettait 2 maisons de naissance par année. Depuis cette sortie-là, on n'a vu aucune nouvelle maison de naissance voir le jour. Donc, c'est ça que nous, on déplore. Oui. Il y a une volonté politique, mais il manque de sous puis il manque d'actions concrètes, si je comprends bien. Oui. Et en fait, nous, ce qu'on demande au ministre, c'est qu'il finance le développement, parce que s'il le finance pas, en ce moment, il finance le développement à 50% avec les agences de la santé de chaque région qui doivent elles-mêmes débourser 50% du projet. Donc, ce qui fait que le développement est vraiment plus long. Donc, si effectivement le ministre injectait 100% du financement dans les maisons de naissance, on est convaincu que le développement aurait lieu vraiment plus rapidement, parce que on peut pas demander aux agences de la santé, c'est un peu illogique de demander aux agences de la santé en ce moment, qui sont souvent en pénurie de services, de prendre une partie de leur budget pour mettre sur pied une maison de naissance, une équipe de sages-femmes. C'est illogique, à notre avis, dans le service de santé actuel au Québec, là. Justement, quand le ministre Bolduc dit qu'il est pour, là je cite ses paroles, qu'il est pour les maisons de naissance, mais qu'il veut que les projets soient déposés sur son bureau, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben moi, ça me fait bien sourire, cette phrase-là, parce que en fait, il y a des projets qui sont demandés dans plusieurs régions du Québec. Je ne les ai pas sous les yeux, mais tu sais, nous, dans la Naudière, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Il y en a en Beauce, il y en a... il y a la Montérégie qui semble bien se développer, mais en tout cas, là, ils me viennent pas, là, je suis désolée, mais oui, on l'a écrit dans la lettre. Oui? Qu'on, oui, oui, ben Rivière-du-Loup, Kamouraska, Sept-Îles, Saguenay, donc... Oui, tout à fait. Donc, tous ces groupes-là qui existent en ce moment, des groupes de citoyens de ces régions-là, ont fait des demandes concrètes à leur agence de la santé. Et visiblement, ces demandes-là qu'ils ont faites ne se sont pas rendues au ministre. Mais donc, je pense que le pourquoi que ces projets-là se sont pas rendus sur son bureau, c'est entre autres parce que les agences de la santé des régions ont peut-être pas fait les demandes. Et puis, en fait, c'est ça. Nous, on commence à se questionner, à savoir, OK, le ministre, il veut que les demandes viennent des communautés, mais qu'est-ce qu'il entend par les communautés? Parce que si on parle de femmes et de familles, de comités citoyens qui se mobilisent pour demander des services sages-femmes, il y en a actuellement, mais leurs demandes ne sont pas entendues. Et évidemment, ces gens-là sont peu ferrés pour faire face à toutes les résistances bureaucratiques, médicales qui a lieu en ce moment dans le développement face à des simples citoyens là qui essaient juste de demander un nouveau service, une nouvelle offre possible en périnatalité. Donc, on commence en fait à croire, le comité de mobilisation des étudiantes sages-femmes, que ce que le ministre entend par j'attends les demandes des milieux, qui demande, en tout cas, on se questionne à savoir si ce qu'il entend par milieu, est-ce que c'est les agences, les C3S et les médecins, ou les femmes et les familles? Parce que si c'est les femmes et les familles, ben les ententes, les demandes, il les entend pas parce qu'elles sont là. Oui, tout à fait. Puis en plus, on sait que se démêler dans tout cet organigramme-là, c'est pas nécessairement facile pour monsieur, madame, tout le monde. Non, effectivement. Donc, justement, tu l'as mentionné, tu es impliquée dans le projet de démarrage de la maison de naissance dans la Naudière depuis quelques années. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience jusqu'à maintenant? Oh, ben, bien des choses. C'est une question large. En fait, bon... Comment ça se passe actuellement? Je ne sais pas si tu peux nous glisser quelques mots par rapport à ça, parce qu'on parlait de différents projets, justement, qui viennent de la communauté. Bon. Ben, nous, en fait, dans la Naudière, on a travaillé pendant 5 ans intensément pour, tout d'abord, faire une pétition. On a recueilli près de 3000 signatures. On a écrit un projet qu'on a déposé au ministre 2 fois, un projet d'envergure quand même, qui avait 100 pages avec des statistiques régionales, tout ça, les besoins bien exprimés. Ça, on l'a envoyé au ministre. Et puis, on a été voir l'agence à plusieurs reprises. On a eu plusieurs rencontres avec des gens de l'agence, des gens des C3S, et on a finalement réussi, il y a un peu moins qu'un an, à faire engager une sage-femme chargée de projet par l'agence. Donc, en ce moment, il y a une sage-femme qui travaille à temps plein dans la Naudière pour mettre en place les services de sage-femme et la maison de naissance. Nous, on demande... En fait, on exige qu'il y ait une maison de naissance, donc pas seulement des services sage-femme. Ce qu'on entend par service sage-femme, c'est effectivement une maison de naissance. Donc, oui, en ce moment, il y a une chargée de projet qui travaille, mais ce qu'on se rend compte en tant que comité citoyen dans la Naudière, c'est que même cette chargée de projet-là fait face actuellement à des résistances et une ignorance de ce que c'est une sage-femme, de comment ça travaille. Alors, il faut qu'elle parte de loin pour faire avancer ce projet-là, même si nous, ça fait 5 ans qu'on travaille pour arriver à avoir une maison de naissance. Donc, ce que je retire de ça, c'est que c'est des processus qui sont vraiment très longs et qui demandent des étapes une après l'autre, puis des fois, il faut revenir au départ, puis recommencer. Donc, c'est pas un travail facile. Non, c'est vraiment un travail de longue haleine, puis j'imagine que c'est dur aussi que les énergies puis les efforts ne s'essoufflent pas au sein des gens qui font ça de façon tout à fait bénévole, en fait. Exactement. Nous, c'est ce qu'on déplore aussi en tant que comité de mobilisation, c'est qu'on ne peut pas demander au peuple d'avoir la responsabilité de développer un service périnatal en obstétrique dans une province. Ça n'a aucun sens de laisser cette responsabilité-là aux femmes et aux familles, aux mères de famille qui sont déjà bien occupées avec leur vie personnelle. On ne peut pas leur demander de mettre sur pied ces projets-là. C'est incohérent. Justement, dans cet ordre d'idée-là, un peu, qu'est-ce que tu conseillerais à la population d'une région ou d'un quartier ou d'une communauté qui voudrait déposer un projet? Bien, tout d'abord, il faut mettre sur pied un comité. Ce comité-là, ça peut être une personne, 2 personnes, 10 personnes, il faut voir. Puis, il faut prendre le pouls de la population. Donc, souvent, par le biais de la pétition, ça se fait bien. Et ensuite, aller faire des demandes à l'agence. Donc, la première chose qu'ils peuvent faire, c'est d'aller au CA de l'agence de santé. Donc il y a des rencontres une fois par mois, je pense, aux agences, et aller faire part de leurs demandes. Donc, souvent, il y a un espace-temps dans ces rencontres-là où les gens de la communauté peuvent poser des questions ou donner un commentaire. Alors, ils peuvent tout d'abord aller parler devant eux pour poser la question de leur quels sont, exemple, vos intérêts à développer une maison de naissance dans la région. Et souvent, ça commence comme ça. Puis là, on recueille des signatures pour une pétition, on regarde les statistiques régionales, et puis on essaye de monter un document pour faire la demande à l'agence. Et il faut relancer l'agence pour que l'agence manifeste la demande au ministère de la Santé. Alors, c'est en gros, là, ça ressemble à ça. Puis aussi, ce que les gens peuvent faire, s'ils veulent pas non plus mettre tous ces efforts-là, c'est tout simplement écrire une lettre pour manifester leur désir, puis un peu comme faire une plainte par rapport à l'absence de ce service-là dans leur région, et envoyer cette lettre-là, cette lettre-là à l'Agence de santé de la région et aussi au ministre de la Santé. Donc ça, c'est un petit geste que monsieur, madame, tout le monde peut faire un après-midi, puis envoyer ça. Les adresses courriel se trouvent bien avec Internet maintenant. Puis ça prend pas un temps fou non plus à faire, là. Comme mettre sur pied un comité. Oui, justement. Puis je sais aussi qu'il y a le regroupement Les Sages-Femmes du Québec qui peut donner de l'information aussi sur le démarrage de comités et de processus pour le démarrage de projets dans les différentes régions. Pas en terminant, mais parce que le temps file trop vite, mais dans les prochaines semaines, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres sorties publiques de la part du comité de mobilisation de l'AESFQ? Oui, tout à fait. Oui! Donc, on va être à l'affût de tout ça. OK. Justement, est-ce qu'on peut aussi espérer que ça va bouger un peu pour les maisons de naissance dans l'année 2011 et ce, dans quelle région? Je ne sais pas si vous avez des petites pistes à nous donner. Bien, il faut espérer. Il faut y croire. Moi, je veux toujours y croire. Puis je vois un monde où est-ce que... un monde au Québec où est-ce que les femmes vont pouvoir ouvrir leur bottin puis trouver le numéro de la maison de naissance de leur région. Mais pour se rendre là, oui, une année à la fois. Puis pour 2011, je pense que Montérégie avance très bien. Puis peut-être la Naudière, on ne sait pas. Bien, on espère, on croise. Il y a Laval aussi qui avance bien. Bien, aussi, on croise tous les doigts de pieds et d'orteils pour que ça se passe. Merci. Merci infiniment, en fait, d'avoir pris du temps avec votre horaire bien chargé pour nous éclairer sur l'actualité un peu des étudiantes sages-femmes de l'UQTR. Puis, on envoie nos meilleures pensées pour que le tout débloque le plus rapidement possible. Tout à fait. Merci. Merci, Karine Langlois. Au revoir. Donc, je rappelle que Karine Langlois est étudiante en quatrième année au baccalauréat en pratique sage-femme de l'UQTR. Donc, elle finira ses études cet hiver en 2011. Et les étudiantes, comme on l'a dit, se retrouvent actuellement face à aucune possibilité d'emploi. Donc, on espère que toute cette mobilisation-là va entraîner une prise d'action concrète par le ministère de la Santé du Québec. Donc, le temps a filé vraiment vite. C'était passionnant, cette émission. Tout d'abord, quelques remerciements à la technique Rocio Vargas et Bronwyn Agnew. Un merci particulier pour la réalisation de cette émission à Annie Léger et Annie Brousseau-Arcan. Mon autre côté pour la capsule internationale et un clin d'œil à notre co-animatrice Annie Brousseau-Arcan et notre invitée Karine Langlois. Donc, on va se quitter avec une petite pièce musicale, Le tango des gens de San Severino. Le tango des gens, c'est le moyen qu'on a pour danser entre les ennuis et même pendant l'ennui. C'est un genre de style d'expression d'art populaire réservé à tous. Le tango des gens, c'est la java des agents de police qui ratissent les rues douteux et agressifs. Si seulement derrière leur voiture ils avaient des charrues, ils laboureraient les rues. Qu'est-ce que c'est qu'ils nous foutent dedans? C'est le tango des gens. Qu'est-ce qui est les contraires de l'amour? Le tango des gens. Le tango des gens, c'est le tango du déménagement où tu perds tes cartons de livres qui te donnent l'espoir. L'espoir de danser le tango comme dans les salons où les anciens nazis devenus argentins font glisser leurs talons. Grand remerciement au gouvernement des Amériques latines pour avoir servi de latrine à l'anus de la guerre. Tant de solidarité entre les assassins. Qu'est-ce qui nous fout dedans? C'est le tango des gens. Ce qui est le contraire de l'amour? Le tango des gens. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le but.